Oui, trêve de morale et de plaisanterie. Se noieront dans l'écume du temps, les escrocs que nous fûmes, amants de diamants. L'amour est un échange de mauvais procédés, et les femmes se vengent de nous avoir aimés. Pour qui se fait esclave ainsi de ses passions, les paradis se pavent de noires intentions. La patience est amère, et pour attendre quoi? Que retombent en poussière jaguars et chinchillas. Celle-ci laisse entendre qu'elle aime les cailloux. Et quoi doit-elle attendre qu'ils lui sautent au cou? Celui qu'elles font vivre est bien le plus malin. En lireuse ou en livre, il compte ses putains. Et s'il est sans scrupules, la faute en est à qui? Oh Lola, aux Ursules qui vous aiment pour lui. Comme on respire, il y a bien de quoi. Pour un prince sans rire, perdre un peu son sang-froid, perdre son self-control et sa mélancolie, avant de faire en tôle de la neurasthénie. Avant de prendre en grippe ceux de l'illégalité, écoutons les principes de l'immoralité. Est-ce commettre un crime que de voler son prochain? Ce serait manquer d'estime envers les assassins. Qu'importe la morale en fait d'escroquerie. Oui, trêve de morale et de plaisanterie. Se noieront dans l'écume du temps, les escrocs que nous fûmes, amants de diamants.